On chante Casa Chakra. Ouais, c'est mon téléphone et c'est pas très fort en fait. J'essaye d'enregistrer des trucs pour m'en rappeler à la maison, mais en fait j'écoute jamais. Ouais, genre le truc, t'as envie de te suicider à la fin. Celle-là, elle est sympa. Namasté. Y a un truc russe, il y a un truc, c'est la Volga, je sais plus quoi. Et l'autre, c'est une chanson composée par le prof de solfège. Mais c'est con, il l'a pas fait au piano, hein. Il l'a fait avec son saxo. Oui, la fête des Cosaques. Et en fait, il y a tout l'orchestre du conservatoire. Il y a un saxo, alto, un saxo machin. Il y a